Négro, j'ai pris de l'âge. J'ai pas touché la fille, j'ai niqué la mère. Autant de violence, peut-être nécessaire. Sans gros qui me cache la vue sur la mer. Les taux se resserrent, poteau. C'est la mer. La planète se réchauffe, du coup aussitôt. Drapeau levé en avant, tout du shit, du whisky pour la route. Je la DM, comment ça va, Miss veut déjà que je la rajoute. Crois-moi, m'appelle un vrai fumier. C'est mieux qu'un follower, je pense qu'à lui piétiner le cœur. Et pense qu'à me prendre des followers. Et puis je pense qu'on ne va nulle part. Comme la plupart du temps, pas de princesse, pas de prince charmant, pas de cheval blanc, pas de nénuphar. Partout où je passe, négro, c'est hard. Tape 9 de I sur le cellulaire. Ce qui nous prépare sera toujours noir. C'est haram, cochon, c'est du lard. Négro, j'ai pris de l'âge, j'ai pas touché la fille, j'ai niqué la mère. Autant de violence, peut-être nécessaire. Sans gros qui me cache la vue sur la mer. Les taux se resserrent, poteau. C'est la mer. La planète se réchauffe, du coup aussitôt on vendait la neige. Plus rien ne me met les nerfs. Amoureux de la belle, je suis toujours en guerre. Je remettrai plus mes lacets, je n'ai jamais mal au cœur. Je suis toujours en mer. Dans la X, VSM, PGP, GSM. Je la récolte, je la sème. Elle rigole, je la sème. Mélange rapide, corsaire. Faire de Kraken corset. Déterre, je la plie sans terre. Elle se rhabille, santé. Grosse vague en mer. Je le hais, navigue, strangule le game. Connor, Rabib, Leto. Je resserre, son père, chavire. Je m'en fume, pépère, être minique, je la vire. De marmots, pas de père. Du coup, aussitôt, elle faisait la guerre. Y'a que le Hafsa et VO. Nos ennemis étaient trop, on leur fait la zère. J'espère que t'as investi dans le dur. T'es éclaté dans le mur, t'es cuit pour de vrai. Sale enfant de putain, je vais te faire à toutes les os. En crème ou confiture, futur est imparfait. T'as pris une grosse barbe dans ta mère. Parce que t'as cru que tout se réglait sur le net. Autant de ducans, ce n'est pas volontaire. Sonic nucléaire.